je tienne au monde. Je suis venu sachant qu'on ne voit vraiment jamais, non jamais, si bien qu'avec le cœur. On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas, en mettant parfois nos poids dans le plus gris des états. On oublie qu'on est bien que de l'intérieur. Ça n'enlève pas les peurs, mais moi, je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois, et sans aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Oiseaux les plus bruyants, les plus coucous, je suis là. Ce ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend, je crois. La place que l'on prend, je ne dis jamais plus. Si l'on est heureux de ce que l'on devient, je me sens le Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je me sens le Dumbo, je ne fais que voler. Thank you.